Morgan l'Italien, José d'Ikreno Bayaka. Il y a 10 ans passés, Wabalon Zabina ka bongolo was, hein? A bongolo, bongolo, bongolo was, Ebana bongolo was. Chantal Namado Mwanza, Mouyoka nouvelle stratégie du signé Wabalonzo. Vas-y tout doucement. Bye.